Cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akhadna fi ad-dars as-sabiq al-asl ar-rabi'. Fama huwa hadha al-asl? Bayn al-'ilm wal-'ulama wal-fiqh wal-fuqaha. Famadha arada al-mu'allif rahimahullah bi hadha al-asl? La bud an na'rif al-'ulama li ar-ruju'. Na'am. Haqiqat al-'ulama. Ta'khudh al-'ilm 'andhum. لكن شيء آخر on doit connaître ce qui est أهل العلم فلهذا قال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء أي on doit connaître ce qui est العلماء et on doit savoir ce qu'est العلم الشرعي حتى on profite de ce علم et on revient à أهل العلم أي les savants de l'islam pour profiter d'eux كذلك on doit savoir quoi نعم من تشبه بالعلماء وليس منهم لماذا لان بعض الناس ils se font passer pour des savants de l'islam et في الحقيقة c'est des juhal c'est des ignorants ou c'est ils font partie de اهل البدع والضلال ففي هذا الحال on n'a pas le droit de les prendre comme référence et revenir à eux leur demander profiter d'eux là On revient à Ahl al-Ilm, ulama al-Sunnah. Le bien que Ahl al-Bid'a wa al-Dhalal prétendent propager, si c'est vraiment du bien, tu le trouveras عند Sunni. Tu n'as pas besoin du Mubtadi'. Amma le mal qu'il a, ça fait beaucoup de mal à celui qui se rapproche de ce Mubtadi'. Et il délaisse Ahl al-Ilm. Fahada, alladhi arada Sheikh al-Islam bi hadha al-Asl. Et il a cité. بعض فضائل العلماء من يذكر منها il a cité les mérites quelques mérites qui sont cités في القرآن والسنة concernant les savants عندك إن الله يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة نعم أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة ما الدليل قال الله عز وجل نعم قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن السنة un dalil qui montre le mérite des savants قال من صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أحسنت من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ça montre فضل العلم Et ça montre كذلك أن من طلب هذا العلم فالله سبحانه وتعالى أراد به خيرا Celui à qui Allah سبحانه وتعالى il veut du bien il lui facilite l'apprentissage de ce din تفضل كذلك أن العلم هو ميراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق واجب أحسنت أن العلماء Warathatul Anbiya, c'est les héritiers des prophètes. Les prophètes, ils n'ont pas laissé d'argent, de biens matériels, ils ont délaissé l'ilm. Celui qui prend ce ilm, il fait partie des héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Al-ulama warathatul Anbiya. Et autre, غير ذلك, wa min ahsan al-kutub fi hadha, kitab al-imam ibn Abdelbar, rahmatullah alayhi, jami' بيان العلم وفضله. Ils l'ont imprimé en deux volumes et c'est un kitab nafi. جامع بيان العلم وفضله. C'est un livre qui traite de ce sujet, العلم والعلماء. Et il cite avec الأسانيد, avec les chaînes de transmission des آثار عن الأئمة, عن الصحابة, des أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم pour démontrer العلم et les bienfaits de ce علم. واليوم نأخذ بإذن الله الأصل الخامس أو ما استطعنا منه قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار Enfin, dans le quatrième fondement, il a démontré comment reconnaître un savant, c'est qu'il est savant. Et dans ce cinquième fondement, il démontre comment reconnaître un wali, lillahi subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre le wali, et min awliya illahi azza wa jal, celui qui fait partie des awliya, awliya Allah subhanahu wa ta'ala bihaq, et man tashabbaha bihim, ceux qui se font prétendre annahum, c'est des awliya, et fil haqiqa c'est des a'da, un munafiq ou un fajr ou un kafir. Al-wali, ils traduisent par allié, et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, il a détaillé, fa naqra kalam Cheikh l'Islam, et après on lit le kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il va expliquer, il va simplifier hada. قال ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. C'est une آية عظيمة. Elle démontre أن celui qui prétend faire partie des أولياء, الولي, on a dit traduit par allié, في الحقيقة الولي c'est un abd, un makhlouq qui aime Allah et Allah il l'aime. C'est un proche, c'est un allié. Faqul in kuntum tuhibbun Allah. Ba'd al-ulama, ils ont appelé ce verset ayatul mihna. Et c'est un verset pour tester ceux qui prétendent annahum c'est des awliya. Faqul in kuntum tuhibbun Allah. Et si vous prétendez aimer Allah et faire partie des awliya, fattabi'uni qul ay qul ya Muhammad, si vous faites partie des awliya ay annakum vous aimez Allah, fattabi'uni ay suivez moi, ay suivez le rasoul, yuhibbukum Allah. Ça montre anna al-wali il doit suivre sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le mizan al-haqiqi, c'est pas une prétention, une étiquette. Là الولي حقا c'est celui qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الأعمال الظاهرة والباطنة, dans les œuvres apparentes ou cachées. Il s'efforce tant qu'il peut de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, plus il suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr avec la sincérité, plus il fait partie des awliya, chacun selon son niveau. لأن الأولياء ne sont pas tous au même niveau. قال وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية شيخ العثيمين يبقى لكسبيكي. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre les deux principales caractéristiques des awliya. Alladhina amanu al-iman, ils ont une aqida sahiha. Wa kanu yattaqun, et at-taqwa. Et tout ça, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil iman ou fil a'mal. Qala thumma sara al-amr inda akthar man yadda'i al-ilm wa annahu min hudati al-khalq wa hufadhi al-shar' ila anna al-awliya labud fihim min tark اتباع الرسل ومن اتبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد. ثم à une époque, l'époque de Cheikh l'Islam, jusqu'à aujourd'hui, بعض الناس ils ont une conception أن الولي il doit délaisser اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. L'inverse de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé في القرآن الكريم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Eux ils disent complètement l'axe. تعلمون أن من الصوفية الظلال ils prétendent أن الولي quand il arrive à un certain niveau في التقوى والورع pour eux, il a tellement atteint un haut niveau dans la crainte, dans la peur d'Allah عز وجل, il est plus concerné par l'ibad. في الحقيقة il a atteint un niveau في الكفر والزندقة. فلهذا يقولون أن si il a atteint un certain niveau في العلم ou في العبادة فإلا plus besoin d'adorer Allah. Pourquoi? لأنه il communique avec Allah عز وجل. نعوذ بالله. كأنه il reçoit الوحي. Et il n'a plus besoin de cette ibada. Cette ibada, c'est pour l'awam. C'est pour les gens de la masse. Amma, ce wali fait partie des personnes rapprochées d'Allah. Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de tout ça. C'est pour ça que, min roulat al-souviyya, ba'd mashayikhihim, ils n'assistent plus à al-jama'a. Et ils font plus salat al-jumu'a, ils font plus salat. Et ils font plus siyam. Et ils font des manakir, jara'im. Des graves péchés, les madales et al-nahum, pour eux, ils ont atteint un certain niveau, enfin, ils sont plus concernés par le halal et le haram. Ça, c'est pour le reste. Al-mahum, ils ont atteint ce niveau. Wa yastadilluna biqawli Allah azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est un stidlal fasid. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ay adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu atteignes al-yaqin. Fahum, ils ont dit, ha'oula, ils ont atteint l'yaqin, la certitude, c'est des awliya, ils n'ont plus besoin d'adorer Allah azza wa jalla. Et ça montre la gravité de ne pas comprendre l'adilla, la gravité de suivre ses passions et de citer des versets qui ne sont pas à leur place. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ay al-maut. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. C'est ça le tafsir sahih. Comment on a compris ce verset, nahnu? Avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est imam al-muttaqin. C'est la personne la plus pieuse, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à sa mort. Hatta à la fin de sa vie, comme la yakhfa alaykum, fis sirah, celui qui a lu as-sirah, annahu sallallahu alayhi wa sallam, il faisait salat assis. Il n'a pas délaissé abadan, jusqu'à sa mort. Et ha'oula az-zanadiqa, ils prétendent annahum, ils ont atteint ce niveau, fa ils peuvent délaisser. Cheikh al-Islam, vu que Soufia, ils étaient répandus à son époque jusqu'à de nos jours, et il a cité ce cinquième fondement pour démontrer la différence entre le wali lillahi subhanahu wa ta'ala et awliya ou shaitan. C'est pour ça qu'il a cité ces versets pour que tu reconnaisses. Et il met en garde contre ha'oula. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a un kitab azim fi hada al-farqu bayna Awliya al-Rahman ou Awliya al-Shaytan. La différence entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés de Shaytan. Il différencie entre les deux catégories de wali. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, à la fin du Asl, il va citer une longue partie de ce livre. Du livre de Cheikh al-Islam, c'est une des références dans ce sujet. Qala Cheikh al-Islam ba'd dhalik thumma sar al-amr 'inda akthar man yad'i al-'ilm wa annahu min hudat al-khalq wa huffaz al-shar'. إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعهم فليس منهم ولا بد فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. انظروا الشيطان كم يلزع إقاري حتى ils ont pensé أن pour être un wali il faut délaisser le jihad, l'iman, le taqwa, il faut délaisser le din. نعوذ بالله. Et certains de leurs mashayikh, n'am, ils ont délaissé le dîn en prétendant être des awliya. Et fil haqqa, hada la yusmin wa la yughni min jou'. Ça ne leur est d'aucune utilité. Li anna al-'abd, quel que soit son niveau, fi as-salah, fi taqwa, il rendra des comptes. S'il a fait du khayr, alhamdulillah. Amma délaisser, prétendre faire partie de l'awliya, ça ne sert à rien. Li anna al-wali, c'est celui qui fait, celui qui croit. Celui qui fait des bonnes œuvres, qui fait des efforts. Haoula, ils ont tout délaissé et prétendent faire partie de Haoula. Qala, ya Rabbana, nas'aluka al-afu wal-afiya, innaka sami'u al-du'a. Naam, Cheikh l'Islam, il fait un du'a, liyanna, il connaît la gravité, il connaissait, rahmatullah alayhi, la gravité de ce qawm. C'est pour ça qu'il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, al-afu wal-afiya, d'être préservé. Et hakada, al-mu'min, da'iman, il cherche refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Daïman al-mu'min, il ne se sent pas à l'abri. Daïman, il fait du'a d'être préservé. Il y en a sept égarements des personnes, ils sont tombés dans cet égarement. Et nous, on n'est pas infaillibles de commettre des choses qui contredisent le sunnah. Enfin, daïman, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat et on fait les causes. On fait les causes pour s'éloigner de hadashah. Et parmi les causes, c'est d'étudier ce genre de fondement. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله بيان الله سبحانه لأولياء الله أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc ce verset, c'est la référence pour connaître, pour comprendre c'est quoi un wali. Al-wali labud fihi min amrayn, al-iman wa al-taqwa. Des œuvres apparentes et cachées. Il croit dans son fort intérieur, dans son cœur, et kadhalik, il applique autant qu'il peut. C'est ça un wali. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا وإلا لكان كل واحد يدعيها ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. Et ça c'est un manhaj tayyib. C'est pas tous ceux qui prétendent une chose, annahum, ils font forcément partie de cette chose. Comme on a vu dans le quatrième fondement, بعض الناس prétendent être des ulama ou des mashayikh ou des prêcheurs à la sunna, et fil haqiqa, c'est des égarés, des ignorants. Donc c'est pas tous ceux qui prétendent une chose, annahum, ils ont cette chose. Al-mizan, c'est le Qur'an et la sunna. Dans notre sujet, al-awliya, on a ce verset, min surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. C'est qui ces awliya? Annahum, ils n'auront pas peur et ils ne seront pas tristes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, waffaqahum fi dunya wal akhira. Il les a guidés fi dunya, il les récompensera yawm al-qiyama. C'est qui ha'ula? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre ce qu'il est awliya. Fala taghtar. Fala taghtar. Ne te fais pas avoir par les prétentions de certains. Al-an min al-rawafid. Al-mujrimin, al-kafara. Ils prétendent annahum, c'est des awliya. Atba' ahl al-bayt. Et c'est des zanadiqa. Yat'anuna villah. Wa fi rasulillah. Wa fi ashab rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi azwaj rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Fi al-Qur'an, fi jibril, fi al-mu'minin. Tout ça, ils prétendent être des wali. Est-ce qu'on va dire na'am, on va les croire? Annahu, il a dit, il a fait. La. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yat'anuna fi rasulillah. Ils insultent ses femmes, ses compagnons. Ils prétendent que le Coran, il a été changé, falsifié. On va dire que c'est des awliya. Kadhalik, yuharrimuna ou yuhalliluna ma harram Allah. Min al-mut'a wa ghayr dhalik. Thumma, بعض الناس, ils parlent de certains min ha'ula, min al-rawafid, ka'annahu c'est un wali, un imam. Anahnuna mizan muhim. C'est ce genre de verset. Qala, in kana amaluhu mabniyan ala al-iman wa al-taqwa fa'innahu wali. Si ces œuvres, elles sont fondées sur ces deux piliers, imanun wa taqwa. La foi, la croyance et la taqwa. Et il craint Allah. Et taqwa, c'est de faire ce que Allah nous a ordonné, s'écarter de ce que Allah il a interdit. On fait autant qu'on peut et on s'écarte des interdits. C'est ça taqwa. Enfin, s'il fait ces choses, c'est un wali. Même si il dit pas que c'est un wali ou les gens ils disent que c'est pas un wali, ça change rien. C'est un wali indallah. Et c'est ça l'essentiel. S'il fait pas ces deux choses, et il remplit pas ces deux conditions, c'est pas un wali. Même si les gens ils disent que c'est un wali. Al-Mizan, c'est ce verset, c'est pas ce que les gens y pensent. Et notre dîn, il est fondé sur Had. Notre dîn, on juge les choses avec les textes, pas avec la vie des gens. Qala, wa illa falaysa biwali. Wa fi da'wah al-wilaya tazkiyatun li nafsih. Kadhalik annahu si prétend que c'est un wali, c'est une tazkiya pour son nafs. Hada la la yambari. Anna l'insan yuzakki nafsah. قال ينافي تقوى الله وذلك ينافي تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نهي من الله أن الشخص يزكي نفسه j'ai fait, je suis. Voilà. Tu sais pas est-ce que t'as fait c'est accepté. Tu sais pas est-ce que tu vas mourir على هذا. فلا تزكي نفسك. لأن الأعمال بالخواتيم. Et Allah سبحانه وتعالى يعلم. Allah سبحانه وتعالى sait. C'est lui qui t'a créé. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Si t'es vraiment un wali, un taqi, Allah il le sait. T'as pas besoin de prouver quelque chose aux gens. Et fil haqiqa, celui qui fait des efforts, ça se voit. Il a pas besoin de parler. Et celui qui parle beaucoup, c'est qu'il a des choses à prouver parce qu'il a des faiblesses. قال فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه. نعم. فست تزكية déjà elle fait du mal à التقوى لأنه يقع في الحرام. Donc ça montre déjà à celui qui prétend أنه c'est un wali, أنه il a fait telle chose et il se vante, هذا c'est un signe أنه il a des faiblesses. كذلك في العلم le quatrième fondement, كذلك tu trouves أن أهل العلم أنهم ils se vantent pas, أنه c'est un savant, أنه il a fait, tu les trouves ناس متواضعون جدا, أنه il fait tout pour pas se montrer. Et tu trouves بعض الجهال ils parlent de leur d'eux-mêmes كأنهم ils ont atteint un niveau في العلم. Donc, من صفات المؤمن الصالح c'est le تواضع, la modestie. لماذا? Parce qu'il recherche l'agrément d'Allah عز وجل. S'il a fait des choses au fond de lui, il sait qu'Allah il sait. Ça le comble, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de se montrer. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu dis que tu es un savant ou tu es un wali? Qu'est-ce qu'ils vont te donner les gens? Ils ne vont rien te donner. بل عند الصالحين, c'est un signe, un mauvais signe. Ils vont savoir que cette personne elle veut se montrer et ça contredit des branches de taqwa. قال رحمه الله وهذا ينافي التقوى فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه على الوجه الأكمل. Ils font des efforts, نعم, dans l'obéissance d'Allah عز وجل على الوجه الأكمل. أي مخلصون, ils sont sincères et ils suivent le prophète صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, tout ça selon leur capacité. فاتقوا الله ما استطعتم وإلا فالنقص لحاصل. Ça ne veut pas dire que celui qui a un manquement, ce n'est plus un wali. Là, lakin, son objectif, c'est ta'atullah. Et il peut avoir des faiblesses. S'il se trompe, il fait tawbah. Et l'insan, il n'est pas ma'asoum. وَلَا يَغُرُّونَ النَّاسِ وَيَخْدَعُونَهُمْ بِهَذِهِ الدَّعْوَى حَتَّى يُضِلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. Ça te montre, ceux qui essayent de se montrer, qui prétendent que c'est des savants, c'est des awliya, et ils ne sont pas à la dhalik, الحقيقة, ils ont un but, c'est de dégarer les gens, d'avoir des suiveurs, et ils ont des objectifs. Imma dunya, imma kursi. C'est par rapport à la politique, ou c'est par rapport à la dunya, ou c'est par rapport à l'argent. Ils ont besoin de suiveurs, ils font, ou ils se vantent et ils se montrent. Amma as-sunni fala shay min hada, لأن ces a'mal c'est لله سبحانه وتعالى. قال فهؤلاء الذين يدعون أو يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء. أسيادا أي سيد, سيد سادة. هذا يقع كثيرا عند الروافض وعند الصوفية أنهم سيد سادة. السيد فلان أي سي une référence في العلم في الصلاح. قال وأحيانا أولياء لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. نعم. Et si tu viens à vérifier, à rechercher, tu trouves un haoula, que ce soit le rawafid ou le soubiya, c'est min ab'ad al-nas, yani l'wilaya, al-haqiqiyya, wilayatullah subhanahu wa ta'ala. Limada, lianna, leur secte, elle est fondée sur bid'a, khurafat, shirk, tahrif, zandaqa. Tout ça, ça contredit al-wilaya. قال فنصيحتي لإخوان المسلمين لا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيس حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله. نصيحة طيبة. أن لا نغتر. Celui qui vient et dit une chose, on le croit et on le suit. لا. الميزان c'est l'أعمال. Et tu trouveras toujours que صاحب الحق ne parle pas beaucoup. Il n'a pas besoin d'essayer de convaincre en dépassant les limites. Il montre le haq, celui qui le suit. Alhamdulillah, il le suit pour lui-même. Et celui qui ne le suit pas, il se fait du mal qu'à lui-même. فَالدَّعِي إِلَى اللَّهِ l'essentiel, il montre. فَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ عَزَّ وَجَلْ. وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عَلَامَةِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَوِلَايَتِهِ بِمَا سَاقَهُ مِنَ الْآيَةِ. نعم, شيخ الإسلام, il a cité des versets pour appuyer, pour argumenter Aïsikil Aulia. Il a cité trois versets min Ali Imran, min Yunus et min Surat al-Ma'idah. Qala وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى علامة محبة الله ولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة. شيخ الإسلام أو شيخ العثيمين إلى سيتي هذا أن السوفرسي لابلي آية المحنة. المحنة سو إن بخوف أن تست أي الامتحان، حيث دعا قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية. أن قوم أي أن peuple، certaines personnes elles ont prétendu أنهم c'est des awliya، فالله سبحانه وتعالى il a révélé ce verset. Et pour savoir s'ils sont véridiques, et c'est valable pour toujours là, et pour tous ceux qui prétendent être des awliya, pour savoir s'ils sont véridiques ce verset. S'ils suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sincères. C'est des awliya. S'ils ne suivent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils ne sont pas sincères, ce n'est pas des awliya. قال فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صادق وإلا فهو كاذب. Donc c'est ça le mizan. On pèse les choses dans ce domaine, dans ce sujet, l'awliya ou autre, par rapport à notre din, avec al-sharia. Avec le Coran ou le Sunna. Le deuxième verset, l'ayat al-thaniya, qawluhu ta'ala fil ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu, man yartad minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allah biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya ayyuhal ladhina amanu, man yartad minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allah biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ay, izzam Allah, ya Allah illizam. Al-wasfu l'awwal annahum adhillah على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم. Ça c'est من صفات الأولياء أنهم ils sont modestes envers avec leurs frères avec les مؤمنين ولا يقفون ضدهم ils les combattent pas بل ils s'entraident معهم ولا ينابذونهم. نعم كذلك ils s'aiment pas la discorde, la division. الوصف الثاني, deuxième صفة, أنهم أعز على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم. نعم le verset il avait pas tout cité, لكن dans les أوصاف شيخ العثيمين يسيتو أنهم أعز على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم. نعم كذلك ils sont أعز envers les kuffars. Ils sont ولله الحمد ils sont fiers d'être مؤمن et ils détestent le kuffar والكافرين. Bien sûr sans être injuste. لكن اللي دتست بحق أما لانجستيس فحرام كسا سوى انبير كافر وأطر. الوصف الثالث troisième كاركترستيك أنهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. troisième كاركترستيك أنهم يفون جهاد في سبيل الله. Bien sûr avec des الضوابط ذكرها أهل العلم. Bien sûr, avec des conditions que Ahlul Ilm, ils ont citées. Parmi les conditions principales, ce jihad, il est tahta rayat wali al-amr. C'est pas des décisions personnelles. Chacun, il fait ce qu'il veut. Là, dans ce domaine et dans d'autres, on revient à Ahlul Ilm et on obéit au gouverneur. Al-wasf al-rabi', quatrième caractéristique, annahum la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Ay, إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. كذلك أنهم لا يخافون في الله. أي يpatient et si quelqu'un les critique les أنهم ils ont fait telle adoration ou ils ont délaissé telle interdiction, فإن شاء الله ça leur fait rien. لا يخافون في الله لومته. Si quelqu'un les critique il est injuste envers eux, لا يخافون منه. Ben, ils continuent à appliquer et ils patientent. L'imada, les annahum, ils savent que celui qui donne, c'est Allah. Et celui qui guide, c'est Allah. Et celui qui égare, c'est Allah. Et celui qui enlève une ni'ma, c'est Allah. Enfin, ce makhlouq, ce abd qui critique, qui n'est pas d'accord, il se fait du mal qu'à lui-même. Fahum mutawakkilun ala Allah. Al-ayatu thalitha, troisième verset min surat Yunus, قوله تعالى في يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى. Les deux principales caractéristiques du wali, c'est al-iman wa al-taqwa. Il a la foi, c'est fondé sur une croyance authentique, et al-taqwa. Al-taqwa, il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, tant qu'il peut, bien sûr en étant sincère et en suivant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il s'écarte des interdits. C'est ça al-taqwa. Fal-iman bil-qalb wa al-taqwa bil-jawarih. Quand ils sont cités les deux, na'am. الإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح وإلا سالإيمان إلى ستتوسع لنا للتكس فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح أما هنا quand il cite les deux الإيمان والتقوى فالإيمان ça sera les œuvres du cœur والتقوى الجوارح وإلا ستتقوى إلى ستتسل فبين sûr ça englobe les œuvres du cœur. فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. Celui qui prétend être un wali alors qu'il n'a pas ces deux conditions, il est kadhib fi da'wa. C'est un menteur dans sa prétention. ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع. ثم صار أي à l'époque de Cheikh l'Islam, c'est devenu العكس أي كثير مِمَّنْ يَدَّعِ الْعِلْمِ. Beaucoup de ceux qui prétendent être des savants, étudier la science, أَنَّهُمْ c'est des imams, أَنَّهُمْ ils font des efforts pour préserver le din, c'est l'axe. Pour eux, قَالَ فَالْوَلِي عِنْدَهُمْ مَنْ لَا يَتَّبِعَ الرُّسُلُ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. هذه إشارة إلى الصوفية الغلاء. أنهم, ils ont cette عقيدة. أن الولي, il n'a pas besoin de suivre le rasoul. Et تِبَعَ الرَّسُول, pour eux, c'est pour l'awam. C'est pour la masse des gens. Ceux qui ne connaissent pas grand chose, ils suivent le Rasoul. Amma, eux, ils ont atteint un niveau, ils n'ont plus besoin de had. Bel ba'duhum wa li'yadu billah mina al-rawafid wa al-sufiyya ya'taqidun anna al-wali il a un niveau plus élevé que al-anbiya wa al-rusul. Wa ba'duhum sarraha bihada min a'immat ha'ula al-zanadiqa. Ils prétendent clairement anna ce wali a un niveau plus élevé que tel prophète ou que tous les prophètes. كما قال الخميني الزنديق المنحرف الكافر المجرم il avait prétendu أن certains أولياء أي من أئمتهم أنهم ils ont atteint un niveau qu'aucun messager أو aucun ange n'a atteint. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. Il a atteint ce niveau que ce wali soi-disant il a atteint. هذا c'est du كفر واضح. قال وأنه من هداة الخلق وحفاظ شرع فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. شيخ الإسلام il a voulu nous démontrer ce qu'est le wali. أن الولي لا نغتر بالكلام فقط et prétention فقط et dire non. On regarde est-ce que c'est un muttaqi et un mu'min. S'il a ces deux sifat, inshallah c'est un wali. تستفيد من هذا أن شك مؤمن سنولي لأن شك مؤمن إلى الإيمان il doit avoir un minimum de taqwa et par rapport à son iman s'il est qawi et taqwa s'il est qawi ça le fera monter en niveau en degré في الولاية. Donc chaque mu'min c'est un wali tant que c'est un mu'min. Et bien sûr al-awliya ils ont des différents niveaux عند الله سبحانه وتعالى. Allah il a élevé certains d'entre eux كالأنبياء والرسل. Il a élevé l'ulama, il a élevé le salihin. Amma al-kafir, fala. Al-kafir, c'est un wali min awliya al-shaytan. Quel que soit son kufr. Et kadhalik, eux aussi, ils ont des niveaux. Alors ça, c'est important. Thumma, Cheikh Mu'azaymin, rahmatullah alayhi, il a cité kalam Cheikh al-Islam. Qala wa yuhsin bina an nanqul huna ma katabahu Cheikh al-Islam. Ibn Taymiya, rahimahullahu ta'ala, fi risalatihi al-furqan. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ونسوق ما تيسر منها. نعم, on a parlé de cette risala, c'est une des références dans ce sujet pour connaître la différence entre أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et تعلمون مكانة وعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه quand il traite un sujet il lui donne son حق. فقال رحمه الله وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء dans le Coran et dans la Sunna il y a des preuves qui démontrent que Allah il a des awliya, des alliés et Shaitan il a des alliés. Le but de Cheikh l'Islam dans cette risala c'est de montrer la différence. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ce verset, Cheikh Uthaymeen l'a expliqué. Iman wa taqwa, c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala démontre la récompense de ces awliya. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ils seront heureux في الدنيا وفي الآخرة. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. Donc أولياء الله المؤمنون المتقون. Chaque مؤمن c'est un wali. ثم par rapport à son degré d'iman il monte dans les niveaux de l'wilaya. قال و إلى أن قال وهم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض فهكذا الولي لله إلامس كالله إلام إدتست كالله إدتست bien sûr en revenant au texte القرآن والسنة فإلام المؤمنين إدتست الكافرين إلام السنة والعلم والتوحيد إدتست الكفر والجهل قال ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى وأعطوا ما من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع ولا أن وبراء لله عز وجل. Toutes leurs œuvres c'est par rapport à ce din. Ce que ce din nous ordonne de le faire, ils le font. Ce que ce din nous ordonne de le délaisser, ils le délaissent. Bien sûr, les a'mal et les œuvres par rapport à la capacité. قال فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا صافي صغتير الكافر أما الكافر ça peut pas être un ولي لله c'est un ولي للشيطان لأن la condition pour être un ولي c'est الإيمان ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله. Celui qui suit pas le رسول même s'il prétend être un ولي c'est pas un ولي. Pourquoi? Parce qu'on a le verset. Il va le citer. بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Le verset est clair. Si vous aimez Allah, suivez le Rasul. C'est ça le معنى du verset. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. C'est ce qu'on a cité. Les gens, ils sont pas au même niveau في الولاية. Les مؤمنون, les croyants, chacun selon son niveau. Enfin, plus il fait des efforts fait l'iman, fait taqwa, plus il sera élevé. Et moins il fait de niveau, moins il sera élevé. Lakin, chaque mu'min, c'est un wali. وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. كذلك أولياء الشيطان, ils sont pas tous au même niveau. فالمنافقون مثلا الله سبحانه وتعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. Tu trouves d'autres kuffars, ils ont du char moins que d'autres. Lakin, c'est tous des kuffars, c'est tous des أولياء الشيطان. Lakin, عدل الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا انهم يصبوا من نيفو chacun par rapport à son coffre et son égarement. قال واولياء الله على طبقتين سابقون مقربون واصحاب يمين مقتصدون وذكرهم الله في عده مواضع من كتابه العزيز في اول سوره الواقعه واخرها وفي الانسان سوره الانسان هل اتى على الانسان والمطففين وفي سوره فاطر قال عز وجل parmi les versets سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc ça te montre, Cheikh l'Islam, il a cité les versets dans sa risala. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Taymiyyah, il a mis trois petits points, il résume. Wa illa Cheikh l'Islam, il a cité des versets, et parmi ces versets, celui qu'on vient de citer, une sourate Fatir, الأولياء المؤمنين ليسوا تous au même niveau. منهم ظالم لنفسه, c'est un مؤمن لكن il fait des péchés. ظالم لنفسه, il se fait du mal, لكن ça reste un مؤمن. Même si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie يوم القيامة, s'il meurt على التوحيد il ira في الجنة. ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد, il fait les obligations et s'écarte des interdits, il fait ce que Allah lui ordonne. ومنهم سابق بالخيرات, منهم ils font des efforts plus, ils s'écartent des interdits, ils font les obligations, ils font des nawafil, ils font des efforts. Ha'oula, c'est le plus haut degré. Donc, cher l'islam, il t'a cité hada pour te montrer que les awliya ne sont pas au même niveau. وَالْجَنَّةَ دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ تَفَاضُلًا عَظِيمًا وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَاتِ بِحَسَبِ إِيمَانِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ. Et tu comprends un pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le jannah darajat. Il y a plusieurs degrés fil jannah. لماذا لأن المؤمنون ils sont pas au même niveau. Ça te montre l'importance de faire des efforts. Il y en a celui qui est dans les hauts degrés fil jannah, le firdaus par exemple, il n'est pas comme celui qui est au plus bas degré. Et ils sont tous fi khair, tous fi ni'ma. Lakin plus al-mu'min il est élevé en degré, plus sera à la khair. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui qui fait des efforts, c'est pas comme celui qui en fait moins. Hatta fil jannah, ils ont pas la même récompense. قال فمن لم يتقرب الى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من اولياء الله فلا يجوز لاحد ان يعتقد انه ولي لله لا سيما ان تكون محجته على ذلك اما مكاشفه سمعها منه او نوع من تصرف فلا يجوز لاحد ان يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وان لم يعلم منهما ينقص ولايه الله فكيف اذا علم منه ما يناقض ولايه الله. Cheikh l'islam il te montre Anna, ça revient au verset qu'on a cité, iman wa taqwa. Al-wilaya c'est pas fondé sur des rêves, où il a marché sur l'eau, où il a fait telle chose, ça c'est pas basé sur ça. Cheikh l'islam il va citer ce qu'on appelle khawariq al-ada, il fait des choses qui sortent de l'ordinaire, ça fait pas de la personne un wali. Bardoum il pense que si il boit de l'eau bouillante, où il se fait pénétrer des sabres dans son corps, c'est un wali. Là, Oula, c'est au contraire, ils font des choses d'aucune utilité, ils se font du mal et ils travaillent avec shayatin. Enfin, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est al-iman wa taqwa. Qala, mitlu an ya'lam annahu la ya'taqid wujub ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam batinan wa zahiran, bal ya'taqid annahu yattabi' ash-shar' adh-dhahir duna al-haqiqa al-batina, aw ya'taqid anna li awliya'i Allah tariqan ila Allah ghayra tariq al-anbiya' alayhim salam. On a cité cette catégorie zanadiqa, ils pensent que il n'est pas obligé de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous rappelez que Cheikh l'Islam il a cité hada fi nawaqid al-islam, celui qui pense qu'il a le droit de délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des annulations de l'islam. On est obligé de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec le haq et on est obligé de le suivre. Seulement on fait des efforts. Fa'ala hada faman أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد يقول هذا ولي لله. Il fait pas les obligations, il délaisse pas les interdits. On n'a pas le droit de dire que c'est un wali. Mais c'est un mujrim, un fasiq par rapport à ce qu'il délaisse et par rapport au haram qu'il fait. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. كذلك, et ça c'est important, أن الولي se distingue pas d'un autre avec une apparence. عند الصوفية مثلا leurs mashayikh ils ont des habits khas pour eux, des habits larges, des vêtements longs de telle couleur. عند الروافد كذلك. أما عند أهل السنة عند أهل الحق il n'y a aucune différence. Le savant il s'habille comme le musulman. L'homme il met son qamis, il essaie de ressembler à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La femme elle se couvre, alhamdulillah, il n'y a aucune différence. Le vêtement doit tous suivre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne pas ressembler au kuffar et mettre des habits qui ne contredisent pas le sharia. Amma, des habits spécifiques pour les savants, pour l'awliya, ça ne fait pas partie de notre dîme. Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam il mettait les mêmes vêtements que le sahab. Wa dhahab al-waqt. On voulait finir là, on essaiera de finir hada dans le prochain dars. On s'est arrêté à qawluhu rahimahullah wa laysa li awliya illa shay'un yatamayyazuna bihi 'anil nas fi adh-dhahir min al-umur al-mubahat. Kalam jamil de Cheikh l'Islam, et inshallah on essaiera de finir le prochain dars. Naktafi bi hada al-qadr, alhamdulillah.